L'MC. Acrostique. Toi-même tu sais, on est dans la rythmique, tous deux du même avis. Vis-à-vis des bons moments passés, de plus en plus dur, de se frayer un chemin, d'aider son prochain, tendre la main, ne te coûtera pas un centime. Pim, une insulte qui part vite en courant, en contre-courant. Ça devient courant de te voir faire des va-et-vient, comme un fil conducteur. Tu mets du temps à chauffer, même si tu penses dans ta tête une connerie pour que tu te permettes. Les yeux grands ouverts, remarque que tu n'es pas le seul. Avoir vu cette grande gueule, avoir pris la fuite pour éviter de lui mettre une limite, ne pas attirer le regard des gens, fait que tu te sens moins attisé. Yo, on veut tous vivre seul en mono, alors on finit par mener une vie monotone. Yo, on ferme les yeux sur l'inégalité. Tu vois quelqu'un crever, tu l'aides même pas à se relever. Yo, un jour tu décides d'ouvrir les yeux, mais il est trop tard. Cette vie est devenue cauchemar. Yo, la vue est prévue pour admirer les bienfaits de notre terre sacrée. Cette terre si vaste, tu vois un monde néfaste, tes yeux savent plus où aller, tu vois trop d'inégalités. Ceci fait que tu te renfermes sur toi-même, la vie t'emmène dans un autre monde, comme la terre. Il faut que tu la fondes, elle se fera pas en un jour, pour venir au monde, ça ne s'est pas fait en un jour. La terre ne s'est pas fait en un jour, mais elle est faite et pour toujours. Il faut toujours garder espoir, croire que l'inégalité deviendra égalité. Ouvrir les yeux et regarder la diversité de l'univers. Et ouais frère, faut arrêter de rejeter une personne parce que sa couleur est différente. On est tous frères, et si tu ne l'acceptes pas, alors que ma voix te blanche. On veut tous vivre seul en mono, alors on finit par mener une vie monotone. Yo, on ferme les yeux sur l'inégalité, tu vois quelqu'un crever, tu l'aimes même pas se relever. Yo, un jour tu décides à ouvrir les yeux, mais il est trop tard, car la vie est devenue cauchemar. Yo, la vue est prévue pour admirer les bienfaits de notre terre sacrée. Garde les yeux ouverts, ici c'est trop la guerre des sentiments. Toi qui crois vivre tranquillement, sache que des personnes te mentent, te hantent pour obtenir de toi ce qui est tant important pour toi. Faut avancer et regarder derrière soi pour remplir leur soif. Certains sont prêts à tirer profit de tes mauvais pas. Certes c'est ingrat, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la réalité. Ne jamais avoir peur de tes prédateurs qui veulent que tes rires soient remplacés par des moqueries et que tu finisses dans une droguerie pour acheter des médicaments qui sont tes seuls calmants. Fuir simplement la réalité et pour t'évader tu vas augmenter la dose. Et victime d'overdose, tu seras la cause des larmes versées par tes proches. Eux qui croyaient te connaître comme leur poste n'auraient jamais imaginé que t'ailles te suicider. Mais ainsi en a décidé ta destinée. Tu es parti, tes proches t'ont fait souffrir à t'en faire mourir.